première figure, pantalon. Dis donc, présentez la main, dis donc. Je vous demande, est-ce que vous êtes à ma parole, non? Alors, et puis, elle m'en a gold, tout le monde doit danser. Vous mettez les dames, là, on est mis, on danse. En dévoilé les huit, croisez dans cette voie. En dévoilé les dames, là, retournez le nom. Pantalon les quatre premiers divadés. Accompagnez les dames pour la retournelle, non. Arrêtez-vous qui balancez les dames, dit. Accompagnez la reine sous la l'homme, dit. Et vos prédications pour remettre les dames chez l'anglaise. Remettant les dames là où déchaînez la main. Ah, bien danser, bien. Voyez pour la promenade, promenez. Accompagnez les dames pour la retournelle, non. Arrêtez-vous qui balancez les dames, a dit. Derrière, accompagnez la reine sous la yé de l'homme, dit bien. À la reprise, Aïman à gauche, tout le monde va danser. Mettez les dames là, on est mis, on danse. Antigoisez les huit, croisez dans cette voie. Dévoiler les dames, pas retourner le nom. Je vous demande ce que vous êtes dans ma parole. We'll be right back. Jepe Pala. La Jepa la Ale. La voix d'un cadeau c'est Kaloui. Faut pas s'en Jepe Pala. Fais s'en Jepe Pala. Voyez Pala. Lève le pied droit. Lève le pied gauche. Voyez nous. Voyez derrière. Et mis en place. Jepe Pala. Dans